La princesse aux cheveux d'or. Légende. Il y avait aux Indes une princesse aux cheveux d'or. Elle avait une marâtre qui la détestait à tel point qu'elle persuada le tsar de l'exiler dans le désert. On amena donc dans le désert la princesse aux cheveux d'or et on l'y abandonna. Le cinquième jour, la princesse revint chez son père à cheval sur un lion. Alors la marâtre conseilla au tsar d'égarer sa belle-fille dans les montagnes sauvages où ne vivaient que les vautours. Le cinquième jour, les vautours la rapportèrent chez son père. Alors la marâtre fit exiler la princesse sur une île déserte. Les pêcheurs la ramenèrent devant le tsar. Voyant cela, la marâtre ordonna de creuser dans la cour un puits profond et fit descendre la princesse aux cheveux d'or et fit combler le puits. 6 jours après, à la place où la jeune fille avait été enterrée vivante, on vit briller une lumière. Alors, le tsar fit fouiller la terre et l'on y trouva la princesse aux cheveux d'or. Enfin, la marâtre fit creuser le tronc d'un énorme mûrier et fit enfermer la princesse, puis l'arbre fut coupé et jeté dans la mer. Le 9e jour, la mer jeta l'arbre sur les côtes du Japon. Les Japonais retirèrent de l'arbre la belle princesse vivante. Mais aussitôt qu'elle vit le jour, elle mourut et se transforma en ver à soie. Le ver à soie grimpa sur le mûrier et se mit à ronger les feuilles. Un jour, il ne mangeait plus et cessa de se mouvoir. Mais 5 jours après, c'était l'espace de temps que la princesse avait passé dans le désert. Le ver se ranima. De nouveau, il rongea les feuilles de l'arbre pendant quelques jours et se rendormit. Puis, au bout d'un temps égal à celui que les vautours avaient mis à porter la princesse, le ver se ranima encore et se rendormit. Enfin, pour la 5e fois, le ver mourut et se réveilla cocon soyeux et doré. De ce cocon sortit un papillon qui se mit à pondre. Des œufs pondus, de nouveaux vers éclorent et se répandirent dans le Japon. Le Japon cultive une grande quantité de vers et fabrique beaucoup de soie. Le ver s'endort 5 fois et 5 fois se ranime. Les Japonais appellent le premier sommeil du ver sommeil du lion, le deuxième sommeil du vautour, le troisième sommeil du bateau, le quatrième sommeil du puits et le cinquième sommeil du tronc.